Quand Dieu donne un pays. Les Hébreux arrivent dans le pays de Canaan, la terre promise par Dieu. Pour habiter dans les villes, ils doivent combattre des ennemis. Ils arrivent d'abord devant la ville de Jéricho. Tout le peuple fait le tour de la ville en poussant de grands cris. Ceux qui portent l'Arche d'Alliance marchent les premiers. De toute leur force, les hommes soufflent dans leurs trompettes. Les murailles s'écroulent. Jéricho est prise ! Le peuple s'installe dans la ville. Les Hébreux sont en guerre contre les Philistins. Grâce à ses cheveux longs, Samson est très fort. Il défend les Hébreux, son peuple. Mais Samson tombe amoureux d'une jeune femme ennemie, Dalila. Et Dalila est rusée. Cette nuit, pendant que Samson dort, je vais lui couper les cheveux pour lui retirer sa force. Les Philistins en profitent pour lui crever les yeux. Mais les cheveux de Samson repoussent. Il prie Dieu et retrouve toute sa force. Je vais renverser les colonnes du temple. Les Philistins sont écrasés sous les pierres. Samson est vainqueur. Samuel aide Élie, le vieux gardien du temple. Un soir, Samuel n'arrive pas à dormir. Soudain, il sursaute. Une voix l'appelle. Samuel ! Samuel ! Samuel se tourne vers Élie. Tu m'as appelé ? Non, ce n'est pas moi. C'est sûrement Dieu qui vient te parler. Essaie de dormir, et s'il t'appelle encore, tu lui répondras « Me voici ». Samuel n'a plus du tout sommeil. Soudain, il sursaute. Une voix l'appelle. « Samuel ! Samuel ! » « Cette fois, se dit Samuel, je crois que c'est Dieu qui me parle. » D'un bond, il saute de son lit et répond « Me voici !» Samuel grandit en écoutant la parole de Dieu. Un jour, Dieu envoie Samuel chez Jessé. C'est dans sa famille que j'ai choisi le futur roi. Jessé fait venir 7 de ses fils et les présente à Samuel un à un. Il ne manque que David, le plus petit, qui garde le troupeau. « C'est justement David que je veux voir. » dit Samuel à Jessé. « Qu'il vienne. » Samuel pose sa main sur la tête de David. « David, tu seras le roi d'Israël. » Les Hébreux et les Philistins se font encore la guerre. David entend la terrible voix du géant Goliath. Personne ne veut se battre contre moi ? Si, moi ! Répond David. Je suis tout petit, mais avec l'aide de Dieu, je serai le plus fort. David est rusé. Il ramasse 5 cailloux qu'il cache au fond de sa poche. Goliath s'approche de lui avec sa grande épée. David prie Dieu. Avec sa fronde, il lance un caillou dans le front du géant qui tombe à terre, mort. Grâce à Dieu, j'ai gagné ! Hurle David. David est devenu grand. Il est un bon roi pour tout son peuple. Il s'installe dans la plus belle ville de son pays, perché tout en haut d'une colline. La ville du roi David s'appelle Jérusalem, ce qui veut dire ville de la paix. David fait monter l'Arche d'Alliance à Jérusalem. Il est tout joyeux. Maintenant, Dieu habite dans ma ville. David fait la fête et danse devant l'Arche. Oui, vraiment, Dieu est présent à Jérusalem. Un jour, David tombe amoureux de la belle Bethsabée. Mais Bethsabée est déjà mariée avec Uri. David est très jaloux d'Uri. Un soir, il se dit « Je vais me débarrasser de lui, qu'il parte à la guerre et qu'on le mette au premier rang. Je veux qu'il se fasse tuer et Bethsabée sera pour moi. » Uri obéit au roi David. Il part à la guerre. Il est tué au combat. David est content. Maintenant, Bethsabée devient ma femme. Mais Dieu envoie un messager, Nathan. David, ta faute est grave. David a honte. Il s'enferme dans sa chambre. Il ne veut plus voir personne. Il est très malheureux. David regrette tout ce qu'il a fait et demande pardon à Dieu. Dieu pardonne à David. Il donne à David et Bethsabée un fils qu'ils appellent Salomon. David prie Dieu avec son fils, Salomon. Devant l'Arche d'Alliance, Salomon se tait et écoute son papa qui lui apprend l'amour et la sagesse de Dieu. Ensemble, ils chantent des psaumes, de belles prières qui ressemblent à des poèmes pour dire à Dieu « Merci, pardon, s'il te plaît, j'ai peur, à l'aide, c'est beau ou je t'aime. » Salomon est devenu roi à son tour. À Jérusalem, il veut construire une maison pour Dieu. Il bâtit un temple immense. Au centre, il place l'Arche d'Alliance. Le peuple vient souvent dans le temple pour rencontrer Dieu. C'est là que Dieu habite. Un jour, Salomon reçoit la visite de deux femmes qui se tirent les cheveux et crient toutes les deux en même temps en se disputant un bébé. C'est le mien ! Non, menteuse, c'est le mien ! Salomon réfléchit. Il est un roi juste et sage. Puisque c'est comme ça, je vais couper le bébé en deux. Une femme accepte. L'autre refuse. Non ! Quelle horreur ! Le plus important, c'est qu'ils vivent ! Salomon reconnaît alors que c'est elle, la vraie maman du bébé. Il lui confie l'enfant. Prends bien soin de lui. Je sais que tu l'aimes déjà. Comme David, son père, Salomon est un très bon roi. On parle de sa sagesse bien au-delà des frontières du pays. Des rois et des princes viennent de très loin pour le rencontrer. Salomon reçoit la visite de la reine de Saba. Elle a voyagé longtemps avec tous ses serviteurs pour demander des conseils à Salomon, dont on a dit tant de bien.